Dans les boutiques de Graceland, en face de la maison d'Elvis Presley à Memphis, je trouve vraiment de tout à propos du roi du rock. Et cette année, de nombreux livres viennent s'ajouter aux articles déjà en place. Notamment celui de Joe Esposito intitulé « Remember Elvis ». Joe avait été nommé par Elvis chef de la mafia de Memphis, un groupe d'une dizaine d'hommes qui travaillaient pour lui. Je décide de demander à Joe Esposito d'où venait ce terme bizarre. « We need black mohair suits, white shirts and white ties or black shirts and... » On avait des costumes en mohair noir, des chemises blanches avec des cravates blanches ou des chemises noires avec des cravates noires. On ressemblait à des petits mafieux. On avait des limousines, on se précipitait pour ouvrir la porte à Elvis qui avait l'air d'un parrain. Les journalistes ont écrit un article le lendemain. Elvis Presley et la mafia de Memphis sont de retour en ville. Et c'est resté. On ne s'est pas appelé comme ça nous-mêmes, ce sont des journalistes qui l'ont fait. Mais Elvis a toujours été intrigué par la mafia. Bien sûr, la mafia n'était pas une bonne organisation, mais ils étaient loyaux avec leur famille. Et c'est ce qu'il aimait dans la mafia. Finalement, ce terme est resté collé à l'entourage de Presley. Et comme le raconte un autre membre de ce groupe, George Klein, ils en étaient même un peu fiers. Ça nous faisait rire, on ne prenait pas ça au sérieux, on n'était pas des gars de la mafia. Mais comme la mafia était quelque chose de mythique à ce moment-là aux États-Unis, on a pensé que c'était pas mal d'être appelé comme ça. Jean-Marie Pouzinque, le grand spécialiste d'Elvis en France, nous parle des membres de cette mafia de Memphis. La plupart, c'était des copains d'école ou des copains de Memphis ou des gars qu'il avait connus à l'armée. Après la suite, c'était aussi des champions de karaté, des champions du monde de karaté comme Ed Parker et tout ça. Mais moi, je pense qu'Elvis, c'était quelqu'un de tellement gentil que voilà, au bout d'un certain temps, il y en a forcément qui abusent. Il donnait, et forcément, il y a eu là-dedans quelques sales types. Je pense qu'il y avait vraiment quelques sales types, des gars comme la Marfa, etc. Mais il y a une chose qui est assez frappante là-dedans, c'est qu'on parle toujours de la Memphis Mafia, on parle un peu moins des musiciens, mais les musiciens n'ont jamais, et moi je pense que c'est quand même un signe qu'Elvis c'était un mec bien, c'est qu'aucun de ces types-là n'a dit du mal de lui, et au contraire, ils sont tous restés fidèles. Par contre, ils étaient tous méfiants par rapport à certains types de la Memphis Mafia, quoi. Ça c'est assez clair. Ce qui est certain, c'est que vu la carrure de ces gars-là, il valait mieux ne pas essayer d'approcher Elvis de trop près. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone, because I'm around with me. I'm evil, evil, evil, evil. I'm Elvis Presley, If You're Looking for Trouble. Magnifique, sublime, c'est le feuilleton des radios francophones publiques avec Philippe Robin, chaque matin, Magic Elvis.